une âme sur la terre entière qui n'ait son fardeau à porter et qui en comprenne pourquoi il n'y a pas que vous. Et vous portez le vôtre depuis assez longtemps. Abandonnez-le et allez de l'avant. Je sais pas comment. Pas là pour me plaindre, non. Je parle de ce qui me manque. On me l'a enlevé, donc peu à peu je deviens hostile au monde. En apparence, je suis différent, donc peut-être un style de monstre. Je fuis le temps, ce qui se cache dedans, ce que mon stylo montre. Funambule sur son fil d'Ariane, lapide par les hommes et ceux qui font que l'amour est variable. On n'a rien sans effort, mon frère, qu'est-ce que t'attendais? Pour apprécier le calme, il faut avoir vécu la tempête. Au bout de la route, je vois pas le bord de mer comme une entrave. L'horizon me guérit, l'espace d'un temps, je ne ressens plus mes entailles. Et puis je replonge comme dans un entonnoir. Je vois cette belle dame vêtue d'un manteau noir. Qui me dit ce monde sera jamais fait pour toi. Quand tu l'enlaces, il te consume lentement. J'en passe du temps à me demander pourquoi. Alors que je suis semblable à pas mal de gens. Je fais que saucer mes vœux, je sais que ça va être pénible. Mais si les erreurs enseignent, il est probable que je sois un génie. À la recherche du bonheur, j'envisageais les déceptions. La vie n'a pas de valeur, je te l'apprends pas, les décès le font. On a tous des montées drôles et des tristes chutes. On se tape l'épaule, on joue des rôles, puis on n'existe plus. Il est temps de m'envoler. Et cela n'a rien de triste, signé un tas de poussière balayé par une brise. Trop plein de colère, t'hésites entre tout perdre et tout prendre. Toutes tes façades deviennent maîtres de ta souffrance. Sous son emprise, tu n'es qu'un simple mourant. Tu crées tes propres sables mouvants. Trop plein de colère, t'hésites entre tout perdre et tout prendre. Toutes tes façades deviennent maîtres de ta souffrance. Sous son emprise, tu n'es qu'un simple mourant. Tu crées tes propres sables mouvants. Je m'enfonce. Chaque jour qui passe un peu plus, j'y ai mis toute ma force, ouais. Donc forcément j'en peux plus. Jeune, un peu perdu, adulte avant l'heure. C'est pas l'âge qui me perturbe, c'est mes décalages d'humeur. Autant que mes réactions de fumeur, ça fait peur à voir. Agrippé de sales rumeurs alors que je n'ai rien à voir. Entraîné par les profondeurs, je ne pouvais pas prévoir. Disons que le rap c'est mon moteur, donc je mets de la weed dans le réservoir. On me dit préserve-toi, je m'enlise à vitesse grand V. On fait tous des erreurs, on a tous des épreuves à braver. La vie est faite de choix, nombreux vont s'avérer mauvais. Comment vivre heureux, survivre devient vite une corvée. Pas encore vieux, pourtant je sens mon état s'aggraver. Si je devais faire l'état des lieux, ben ça serait triste à regarder. Reste à l'écart, tout ce que je touche finit par sombrer. Je peux faire jaillir la rage aussi vite qu'elle peut m'absorber. Cercle vicieux dans lequel j'avoue avoir du mal à trouver ma route. Alors je tourne en rond en attendant que tourne la roue. Certes l'issue est tracée, entassée sous un tas de soucis. Cassé, le cœur glacé qui fait que je m'endurcis. Je lutte pour pas me faire engloutir, je cherche des raccourcis. Une fois que tu touches le fond, y'a pas 10 000 portes sorties, non. Sois dégourdi, et s'il le faut, navigue à contre-courant. Ne perds pas de temps, la vie est un sablier qui fait de toi un simple mourant. Trop plein de colère, t'hésites entre tout perdre et tout prendre. Toutes tes façades deviennent maîtres de ta souffrance. Sous son emprise, tu n'es qu'un simple mourant. Tu crées tes propres sables mouvants. Trop plein de colère, t'hésites entre tout perdre et tout prendre. Toutes tes façades deviennent maîtres de ta souffrance. Sous son emprise, tu n'es qu'un simple mourant. Tu crées tes propres sables mouvants. Perdu dans des steppes à la fois froides et arides, j'ai tout donné. Émotionnellement devenu avide, attiré dans mes abîmes. Si je m'en extrais, je crache du sable. Quand l'innocence se maquille, elle prend l'apparence du diable. Indéniable, on a déjà tous rêvé d'un avenir décent. Sans se douter qu'on venait à peine d'amorcer la descente. Annoncée depuis la naissance, la douleur sera présente. À présent, j'aimerais m'en soulager comme d'une envie présente. Entre compassion, je pressens, même oppressé quand tout s'effondre. Comme cette impression stressante de faire part de mes tréfonds. Ça c'est très fort. Moi qui d'apparence très sombre. Ensevelis mes secrets comme un trésor. J'exprime ce que je ressens, donc j'écris de tristes récits. Perçois ce que je pressens aux abords de mes récifs. Atmosphère pesante et ce n'est pas moi qui en décide. Je précise. Dur de satisfaire chacun de ses désirs. Je pleure pas des rimes, je les dessine. M'en sers comme armure. Spectre. Coincé entre soupirs et murmures. Au pied du mur, j'assiste à mon égarement. Depuis j'épure tous les chemins que j'arpente. Dernier petit effort avant de disparaître totalement. Globalement, on peut dire qu'on a fait le tour, ouais. Tout est dans le mental, on ne laisse rien paraître. Notamment, quand il s'agit de sentiments, on n'attend pas de retour. Trop plein de colère, t'hésites entre tout perdre et tout prendre. Toutes tes façades deviennent maîtres de ta souffrance. Sous son emprise, tu n'es qu'un simple mourant. Tu crées tes propres sables mouvants. Trop plein de colère, t'hésites entre tout perdre et tout prendre. Toutes tes façades deviennent maîtres de ta souffrance. Sous son emprise, tu n'es qu'un simple mourant. Tu crées tes propres sables mouvants. Vous avez le choix. Vous arrêtez là. Ou recommencez. Recommencez. À avancer. Pour aller où? Exactement là d'où vous n'êtes jamais parti. Dans le silence. Le silence total.